Demain, météo. Demain, météo. Hier, il pleuvait. Demain, il fera beau. Demain, météo. Demain, météo. S'il a fait froid, il fera beau. Demain, météo. Demain, météo. Les cigognes se barrent et fera un froid de canard. Demain, météo. Demain, météo. Au Japon, il fera pas bon. Demain, météo. Demain, météo. Il y aura beaucoup de pluie, ça fera pousser le riz. Demain, météo. Demain, météo.